Chapitre 37e. Tandis que le fourrier et Anatole s'occupaient du colonel, celui-ci, de ce côté, pensait à son cher cousin, et chercha à reprendre l'affaire de la photographie au point où les exigences d'Anatole l'avaient rompu. Sur le premier moment, il avait été blessé du sang-gêne du cher cousin et de son insolence. Mais il s'était dit bien vite qu'il ne fallait pas se montrer trop susceptible avec un pareil personnage, et que pour Antoine comme pour Thérèse, il valait mieux mettre toute question de dignité de côté. Il avait donc été trouver le photographe, et il avait arrangé les choses de telle sorte qu'Anatole serait maître de l'affaire du jour où il prendrait la maison, son prédécesseur ne devant rester près de lui pendant un an qu'en qualité de premier employé. Puis, cela disposait ainsi, le colonel avait écrit chez Raphaël au cher cousin de venir le trouver. Mais le cher cousin ne s'était pas pressé de répondre à cette lettre. Et c'était au bout de quelques jours seulement qu'il avait daigné se rendre au grand hôtel un matin. Alors le colonel lui avait expliqué les arrangements pris par lui avec le photographe. Pendant qu'il parlait, Anatole se tenait les yeux fixés sur le tapis dans une attitude contrainte. « Cela ne vous convient pas ?» demanda le colonel. « Il me semble cependant que cette combinaison est pour vous très avantageuse. Et je vous promets que vous ne trouverez pas en moi un commanditaire gênant. À vrai dire, vous serez seul maître. Et si je reste en apparence votre commanditaire, c'est pour vous obliger à garder cette maison, sans qu'il vous soit possible de la vendre par un coup de tête, un jour d'ennui ou autrement. C'est précisément cette défiance qui est blessante. » Le colonel eut un mouvement d'impatience, mais il se contint. « Vous auriez 25 ans, mon cher cousin, je ne prendrai pas cette précaution contre vous-même. Mais vous n'en avez que 22. Dans un an, dans 2 ans, je vous rendrai toute votre liberté. Ce n'est pas de vous que je me défie, c'est de votre jeunesse. » Anatole garda le silence. « Me refusez-vous ? » demanda le colonel après un moment d'attente. « Sans doute, je vous suis très reconnaissant, seulement... Ah, il y a un seulement. Seulement j'hésite. Parce que je voudrais éviter entre nous toute cause de froissement. Je me connais. Je n'ai pas le caractère facile. » Et si je sens que j'ai au-dessus de moi un surveillant auquel je devrais des comptes, cela suffira pour que je ne veuille pas lui en rendre. Que voulez-vous? On n'est pas parfait. Mais si le surveillant, comme vous l'appelez, ne demande rien, c'est égal, il sera là. Faut-il que je disparaisse et retourne en Amérique? Anatole hésita un moment. Il était pâle, et de temps en temps il se mordait fortement les lèvres comme pour revenir à lui. Le colonel qui l'observait était vivement surpris de cette émotion. Que se passait-il donc en lui? Pourquoi cet embarras? Pourquoi ce trouble? Il semblait qu'il fût sous le poids d'une oppression étouffante. Enfin il leva la tête. « Vous parliez de l'Amérique ? » dit-il d'une voix rauque. « Sans doute. Je vous demandais si pour vous sentir libre il fallait qu'il y eût l'Atlantique entre nous. » « Précisément, c'est cela même. Je pensais qu'il fallait mettre la mer entre nous. » « Alors, dit le colonel en riant, pour que vous acceptiez cette affaire, il faut que je reprenne le paquebot tout de suite. Convenez, mon cher cousin, que la proposition est bizarre, au premier abord, et qu'il faut un certain temps pour l'envisager sans rire. Je vous assure que je n'ai pas envie de rire. Il est vrai que vous n'avez pas l'apparence gaie. C'est que la résolution que j'ai à prendre est terrible, je veux dire lourde pour moi. Il s'agit non pas que vous alliez en Amérique, mais que j'aille moi-même. « Vous acceptez ma première proposition ?» s'écria le colonel. « C'est-à-dire que je balance. »« Mon cher cousin, je veux être franc avec vous. Je fais certaines préventions contre vous, je l'avoue loyalement. »« Ah, oui, je le confesse. Vous m'inspiriez des craintes. Mais ce que vous venez de m'annoncer me ramène à vous. Cela est bien. Vous reconnaissez que vous avez eu tort. Vous revenez sur une mauvaise inspiration. Alors tout n'est pas perdu. » « Vous aviez donc bien une mauvaise opinion de moi ?» demanda Anatole d'un ton rogue. « C'est-à-dire que vous m'aviez inquiété. Mais je vois que je me trompais. Je vous fais amende honorable. » Et pour la première fois, le colonel tendit la main à son cousin. Mais celui-ci, qui d'ordinaire était prodigue de démonstrations de ce genre, n'avança pas la sienne. Au contraire, il la recula brusquement en baissant la tête. « Vous refusez ma main ?» dit le colonel. « Non, mais... « Mais vous vous éloignez de moi, comme si je vous faisais peur ou horreur. Ce n'est pas cela. Mais en acceptant la main que vous me tendez, je vous tromperai. » Le colonel leva les bras au ciel avec le geste d'un homme qui ne comprend rien à ce qu'il voit. « Je ne suis pas décidé, pas du tout décidé !» continua Anatole d'une voix saccadée. « Je crois même que je ne partirai pas. Je ne peux donc pas accepter vos compliments. Je ne suis pas ce que vous pensez. Non, je ne le suis pas. » Il se cacha la tête entre ses deux mains. « Ah ! » s'écria-t-il tout à coup. « C'est atroce. Non, je ne partirai pas. » Le colonel crut comprendre enfin la cause de ce trouble et de ses hésitations. « Il aime Raphaël, » se dit-il, « et il ne peut pas prendre la résolution de l'abandonner. » Et il lui sut gré de ce sentiment. Il ne l'avait pas cru capable d'amour. Il s'était trompé. Décidément, le pâle voyou valait mieux qu'il ne l'avait jugé. Tout n'était pas pourri en lui. Loin de Paris et des compagnons qui sans doute l'avaient entraîné, il pouvait redevenir un homme. Il fallait donc qu'il partît. Maintenant, il n'était plus question seulement de l'expédier au-delà des mers pour s'en débarrasser. Il s'agissait de le sauver. Ce voyage serait le salut, l'âge viendrait, et avec lui la raison, la dignité, la conscience, tout n'était pas perdu. Pendant que le colonel suivait ce raisonnement, Anatole s'était levé, mais il restait hésitant, évidemment partagé entre deux influences aussi fortes l'une que l'autre. « Il faut faire acte d'autorité, se dit le colonel, ou bien il ne partira pas. » Alors, se levant à son tour, il se plaça devant la porte. « Mon cher cousin, dit-il d'un ton enjoué, il faut que vous me donniez aujourd'hui une marque de déférence. Je suis votre aîné, j'ai une certaine expérience de la vie, et si vous me permettez de le dire, j'ai cette décision de l'esprit qui m'a servi dans la guerre. Je vous demande donc de vous en rapporter à moi et de vous laisser guider. Voulez-vous prendre cet engagement ? Mais pas demain. Oui ou non, voulez-vous me promettre de m'obéir jusqu'à demain ? Nous sommes aujourd'hui samedi. Je vous demande une obéissance passive jusqu'à ce soir. Je vous fixerai l'heure dans quelques instants en descendant avec vous. Croyez que c'est dans votre intérêt et que de votre engagement résultera un grand bien, pour vous d'abord et pour tous ceux qui vous tiennent de près. Voyons, mon cher cousin, ayez confiance en moi et prouvez-moi que vous me jugez un homme de bon conseil. » Puis, comme il ne répondait pas, « Je devine ce qui vous retient à Paris et vous empêche de partir. » continua le colonel, « je sens que si vous restez livré à vos hésitations, vous n'aurez jamais la force de partir. Je ne vous blâme pas, bien au contraire. Hein ? À mes yeux, une passion sincère est toujours respectable. Elle vous aime, vous l'aimez, vous ne pouvez vous arracher à votre amour, je comprends cela. Cependant, il faudra bien que cet amour se termine un jour ou l'autre par une séparation. Eh bien, laissez-moi prendre le rôle du chirurgien qui tranchera d'une main prompte les liens qui vous retiennent. En ces sortes d'affaires, ce qu'il y a de plus douloureux, c'est l'indécision. Vous vous confiez à moi et voici ce que nous faisons. Ce soir, part du Havre, à vapeur pour New York. Nous prenons le chemin de fer immédiatement. Je vous conduis au Havre et vous installe dans votre cabine. Vous voulez, vous ? Mais certainement. Ne prenez aucun souci de moi. Je sais ce que c'est que l'irrésolution. Que je vous conduis seulement à la gare et vous pouvez très bien, arrivé au Havre, prendre le premier train qui revient à Paris au lieu de prendre le bateau qui part pour New York. Je serai près de vous et ne vous quitterai que lorsque le capitaine montera sur la passerelle. Vous n'aurez pas le temps de débarquer et quand vous arriverez à New York, les 10 jours de traversée auront calmé la fièvre de la séparation. Vous serez plus raisonnable. D'ailleurs, vous aurez à vous occuper et d'une façon qui, je l'espère, ne vous sera pas désagréable. Là-dessus, vous pouvez vous en rapporter à moi. Allons, en route. » Anatole était dans un véritable état d'angoisse, la sueur perlait sur son front pâle. « Non, » dit-il enfin, « c'est impossible, je ne partirai pas. Je vous emmène de force, je vous emporte, si vous saviez. Je ne veux rien savoir. » Puis, sonnant, « Horace, » dit-il au valet de chambre, qui parut aussitôt, « prépare mon sac de voyage, mon nécessaire de toilette, du linge pour 15 jours, un pardessus, une couverture, dépêche-toi vite !» Alors, se tournant vers Anatole, « vous aurez ainsi ce qui vous sera indispensable pour la traversée. À New York, vous montrez votre garde-robe à neuf. » Anatole voulut encore hésiter, mais le colonel lui ferma la bouche. « Laissez-moi écrire une lettre qui vous recommandera à mon représentant, » dit-il. « Je n'ai que quelques minutes. » « Si vous voulez écrire vous-même un mot, mettez-vous là. » Anatole resta un moment indécis, puis s'asseyant, il écrivit une lettre ne contenant que deux mots « Je pars ». Elle était adressée à M. Rouspineau, rue Montorgueil, à Paris. Une heure après, ils étaient installés dans l'express du Havre, le colonel dans un coin, Anatole en face de lui. Mais bientôt, celui-ci changea de place, et comme il n'était que trois voyageurs dans leur compartiment, il alla prendre le coin opposé à celui du colonel, et sur la même ligne, de sorte que leurs regards ne se rencontrèrent plus. Le voyage se fit silencieusement. Anatole était sombre et paraissait accablé. De temps en temps, il se mettait une main devant les yeux, comme si la lumière lui eût fait mal. « Pauvre garçon !» se disait le colonel, « comme il souffre !» Et il respecta cette douleur. À Rouen seulement, pendant l'arrêt, il lui adressa la parole. Ce fut pour lui demander son portrait, pour Thérèse. Précisément, Anatole avait dans son carnet plusieurs portraits-cartes, il en remit un au colonel. On arriva au Havre. Il n'avait que juste le temps de se faire porter en voiture au quai des Transatlantiques. La vapeur s'échappait du Pereire avec un bruit rauque. Ils montèrent à bord. Le colonel voulut l'installer lui-même dans sa cabine, et là, il lui glissa dans la main un rouleau d'or. Puis ils remontèrent sur le pont. L'heure du départ était arrivée. De la séparation. Des adieux. « Allons, pas d'émotion, » dit le colonel. « Pas de regrets, mon cher cousin. Au revoir, au revoir. » « Adieu, colonel. » Il n'avança pas la main. Le colonel la lui prit presque de force. Elle était glacée. On pressait le colonel de débarquer. Anatole l'arrêta. « Vous l'aurez voulu, » dit-il d'une voix étouffée. « Oui, à moi la responsabilité. C'est entendu. Au revoir. » Bientôt, les amarres tombèrent dans l'eau calme du bassin.